tous les jours et ça pue la piste. Je la vois la misselle piste, j'ai trop ghetto, j'prends pas son sarotiste. Arrête de faire grossiste, t'inquiète, tu vas la toucher à doser. Faut lui donner mon, il est noir, ça va niquer la suite. J'ai plus le temps, j'ai plus le time. Tout l'après-midi au studio, j'ai pas vu madame. Laisse tomber la haine, j'écris ça pour Instagram. Faut des temps plein dans un autre, j'ai plus le time. Un dreamer, sur un dum-dum, des potes permis, j't'ai pas dum-dum. La tchac, j'roule Alex à deux, tu vois pas que j'ai maigri, j'me mets plus sous mielleux. Non, tout pas au mousseux, y'a est-ce que des 10 pas les mêmes que mes six. Sur ma type, pas de message, gros KTM, du bruit dans les bars. Non, tout pas au mousseux, y'a est-ce que des 10 pas les mêmes que mes six. Sur ma type, pas de message, gros KTM, du bruit dans les bars. Gros KTM, du bruit dans les bars. Sur ma type, pas de message, y'a est-ce que des 10 pas les mêmes que mes six. Gros KTM, du bruit dans les bars. Sur ma type, pas de message, y'a est-ce que des 10 pas les mêmes que mes six. C'est pas pareil, c'est différent, tu peux pas nous comparer. Stressé, doux, je dévoile ma haine. Pour aller me voir, j'arrive à toujours aller. J'ai rien reçu, pourtant moi je t'ai tout donné. À ce moment-là, j'espère qu'un jour on sera pardonné. Et nous, c'est pas pareil, c'est différent, tu peux pas nous comparer. Stressé, doux, je dévoile ma haine. Pour aller me voir, j'arrive à toujours aller. J'ai rien reçu, pourtant moi je t'ai tout donné. C'est nos tours posés en bas de la tour, on finira par les choquer. La Jackson me compta pour sa chatte et ta bouche en sous-marin, je vais bien doser. T'inquiète mon gros, c'est nos tours posés en bas de la tour, on finira par les choquer. La Jackson me compta pour sa chatte et ta bouche en sous-marin, je vais bien doser. T'inquiète mon gros, c'est nos tours posés en bas de la tour, on finira par les choquer. La Jackson me compta pour sa chatte et ta bouche en sous-marin, je vais bien doser. Passe dans le système, si tu fais pas le pécara, plus boule à cette règle, tu connais. J'suis dans la kitchen, là je vais tout manger. J'suis dans RAP, ils vont déraper. Ça sent dealer que c'est mort, la fusion et ça là, son sort le 9, ils sont tous pâles. J'parle avec l'ange de la mort, il me répète à l'oreille, vas-y je te laisse leur faire du sale. Certains me rappellent si ça pète, retourne pas ta veste, pense à moi, on se fait hey, genre. Niqué de là, j'suis plus dans vos dièges, j'veux la Tesla. Une belle vie pour ma mère, donne le 200. On a jamais rêvé, tout pour la monnaie, par moi qu'à chose. J'suis dans la cité, après la sabate, la cavalerie. Lève le tum-tum et j'vous consomme ma villa. Laissez parler, ils sont fatigués. Mais dites-moi, c'est qui celui-là? J'ai pas me connaître, t'es pas validé. Lève le tum-tum et j'vous prends comme ma villa. Laissez parler, ils sont fatigués. Mais dites-moi, c'est qui celui-là? J'ai pas me connaître, t'es pas validé. J'suis pas comme eux, là c'est plus pareil. Et pourtant, les mains ils font la queue, ils font les tarés. Et nous c'est pas pareil, c'est différent, tu peux pas nous comparer.